j'irais si haut que je te verrais disparaître peu à peu. Merci pour ce bout de vie. Je crois pas revenir un jour. C'est beau, les étoiles ne cessent de